Pedro Páramo. De Juan Rulfo. Adaptation Laure Goroff. D'après la traduction de Gabriel Yacouli. Il y a des villages qui ont un goût de malheur. On les reconnaît dès que l'on avale un peu de leur air usé et stagnant. Ce village est de ceux-là, Susanna. Combien de fois n'ai-je pas invité ton père à revenir vivre ici ? Je lui ai proposé d'être mon intendant, juste pour te revoir. Il est, d'après ce que je sais, la méchanceté même. Voilà ce qu'est Pedro Páramo. Elle doit devenir orpheline. Nous avons le devoir de la protéger. Tu es bien d'accord ? Ça ne me paraît pas infaisable. Alors vas-y, Fulgor, fais-le. Ton père est mort, Susanna. Il est mort avant-hier dans la nuit. Te voilà seule au monde, Susanna. Mais quel était le monde de Susanna San Juan ? Voilà l'une des choses que Pedro Páramo n'a jamais pu savoir. Neuvième épisode. Cette nuit, les rêves se sont de nouveau succédés. Pourquoi ce souvenir si vif de tant de choses ? Pourquoi pas la mort, tout simplement, et non cette musique plaintive du passé ? Lorenzo est mort, madame. Que cet homme était grand, qu'il était haut, et que sa voix était dure, aussi sèche que la terre la plus sèche. Et son image était floue. Où était-elle devenue floue par la suite ? On aurait dit qu'entre lui et elle s'interposait la pluie. Qu'avait-on dit ? Florencio ? De quel Florencio parlait-on ? Du mien ? Oh, pourquoi n'ai-je pas pleuré ? Ne me suis-je pas ensuite noyée dans les larmes pour me laver de mon angoisse ? Seigneur, tu n'existes pas. Je t'avais demandé d'étendre sur lui ta protection, de me le garder. C'est ce que je t'avais demandé. Mais toi, tu ne t'occupes que des âmes, et ce que je veux de lui, c'est son corps. Nu et brûlant d'amour, bouillant de désir, pétrissant mes seins et mes bras tremblants. Mon corps transparent, suspendu au sien. Mon corps sans poids, soutenu par ses forces et livré à elle. Que faire à présent de mes lèvres sans sa bouche pour les remplir ? Que faire de mes lèvres endolories ? Tandis que Susanna San Juan s'agitait, inquiète, Pedro Páramo, debout près de la porte, la regardait, et compter les secondes de ce nouveau rêve qui n'avait déjà que trop duré. L'huile de la lampe grésillait et le vacillement de la flamme allait en s'affaiblissant. Elle allait bientôt s'éteindre. Si ce qu'elle éprouvait était au moins de la douleur et non pas ses songes continuels, ses songes interminables et épuisants, il aurait pu lui apporter quelques consolations. Qu'arriverait-il si elle s'éteignait, elle aussi, quand mourrait avec la flamme cette faible lumière qui lui permettait de la voir ? Savez-vous, Don Pedro, que le boa a été battu ? Je sais qu'il y a eu des coups de feu cette nuit, on les a entendus, mais je ne sais rien de plus. Qui t'a raconté ça, Gerardo ? Quelques blessés sont arrivés à Comala. Ma femme a aidé à faire les bandages. Ils ont dit qu'ils faisaient partie de la bande de Damasio et que beaucoup d'entre eux avaient été tués. Ils se seraient battus contre deux prétendus partisans de Pancho Villa. Quel poisse, Gerardo ! J'ai bien l'impression que les temps qui viennent vont être difficiles. Et toi ? Qu'as-tu l'intention de faire ? Je m'en vais, Don Pedro, à Sayula. Là, je rétablirai mes affaires. Vous, les avocats, vous avez cet avantage. Vous pouvez transporter votre patrimoine partout, aussi longtemps qu'on ne vous a pas fait sauter le caisson. Détrompez-vous, Don Pedro. Nous n'arrêtons pas de nous créer des ennuis. Et puis, ça fait de la peine de quitter des gens comme vous. Et on regrette l'estime qu'ils nous ont témoignée. Nous vivons en sacrifiant nos relations à chaque instant, si l'on peut dire. Où voulez-vous que je laisse ces papiers? Ne les laisse pas. Emporte-les. À moins que là où tu vas, tu ne puisses plus t'occuper de mes affaires. Je vous remercie de votre confiance, Don Pedro. Je vous en remercie sincèrement. Mais je crains que ce ne soit pas possible. Certaines irrégularités, disons, des témoignages que nul autre que vous ne doit connaître, pourraient donner matière à de sales affaires s'ils tombaient dans d'autres mains. Et le plus sûr est de les garder avec vous. Très bien, Gerardo. Laisse-les ici. Je les brûlerai. Avec ou sans papier, qui peut me contester la propriété de mes biens? Oh, personne, sans doute. Don Pedro, personne. Et si vous le permettez... Adieu, Gerardo. Et qu'avez-vous dit? J'ai dit que Dieu soit avec toi. L'avocat est sorti tout doucement. Il était âgé, certes. Mais cependant pas au point de marcher à petits pas si courts, si dépourvus d'allant. En fait, il avait espéré recevoir une récompense. Il avait servi Don Lucas, Dieu et son âme, père de Don Pedro. Puis Don Pedro lui-même qu'il servait encore. Et enfin, Miguel, le fils de Don Pedro. Le fait est qu'il s'attendait à une compensation, à une importante et généreuse rétribution. Il avait dit à sa femme « Je veux faire mes adieux à Don Pedro. Je sais qu'il se montrera reconnaissant. Je crois pouvoir dire qu'avec l'argent qu'il me donnera, nous pourrons nous installer comme il faut à Sayula et y être à l'aise pour le restant de nos jours. » « Tu vas devoir travailler très dur là-bas pour t'en sortir. Tu ne tireras rien de lui. » « Pourquoi dis-tu ça ?»« Je le sais. » Il avançait toujours en direction de la porte, guettant le moindre appel. « Hé, Gerardo ! Avec les soucis que j'ai, je ne pensais plus à toi. Mais je te dois certaines faveurs qui ne se paient pas avec de l'argent. Tiens, tiens, prends ça. Allons, c'est pas grand-chose. » Mais aucun appel ne s'est fait entendre. Il a franchi la porte et dénoué le licou avec lequel il avait attaché le cheval au poteau. Il est monté en selle et au pas, en veillant à ne pas trop s'éloigner de la maison pour pouvoir entendre si on l'appelait, il a pris la direction de Comala sans s'écarter du chemin. Quand il a vu la Media Luna disparaître derrière lui, il s'est dit « Ce serait m'abaisser beaucoup de lui demander un prêt. Don Pedro, je suis revenu parce que je ne suis pas content de moi. C'est avec plaisir que je continuerai à m'occuper de vos affaires. » C'est bien, Gerardo. Les papiers sont là où tu les as laissés. Je souhaiterais aussi les frais, le déménagement, une petite avance sur mes honoraires. Un petit quelque chose en plus, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. 500 ? Ça ne pourrait pas être, disons, un peu plus. 1000, ça t'ira ? Et si... Et si c'était 5? 5 quoi? 5 000 pesos? Je ne les ai pas. Tu sais bien que tout est investi, en terre, en bétail, tu le sais. Prends 1 000 pesos. Ça devrait te suffire, il me semble. Il était resté là, à méditer, tête baissée. Il entendait le tintement des pesos sur le bureau où Pedro Paramo comptait l'argent. Il se souvenait de Don Lucas, qui ne lui avait jamais réglé ses honoraires, de Don Pedro, qui n'en avait même pas tenu compte, de Miguel, son fils, celui-là, qu'est-ce qu'il avait pu lui en faire baver? Il l'avait tiré de prison au moins une quinzaine de fois, si ce n'était pas plus. Et l'assassinat qu'il avait commis sur la personne de... Comment s'appelait-il cet homme? Renteria, c'est ça. Ce mort, qui s'appelait Renteria, auquel on avait glissé un pistolet dans la main, et la peur qu'avait eue le Miguelito, même s'il en avait ri par la suite. Ce n'était pas tout. Combien lui en aurait-il coûté à Don Pedro si l'affaire était allée plus loin devant les tribunaux? Et les viols, alors? Combien de fois avait-il dû sortir lui-même l'argent de sa poche pour que les filles enterrent l'affaire? Tu devrais être contente. Tu vas avoir un blondinet. Tiens, Gerardo, vas-y de près, ça ne repousse pas. Non, et les morts non plus. Hélas. Ces bêtes ne dorment jamais. Elles ne dorment jamais. Elles sont comme le diable, qui cherche sans répit des âmes à conduire en enfer. Miséricorde. Et si c'était les trois coups de San Pasqual Bailón, qui vient annoncer à l'un de ses fidèles que l'heure de sa mort est venue? Comme il y avait longtemps que Damiana Cisneros n'allait plus prier pour aucun défunt à cause de ses rhumatismes, elle ne s'en est pas préoccupée plus que cela. Soudain, cependant, la peur la gagna, et plus encore que la peur, la curiosité. Elle s'est levée sans faire de bruit et elle est allée mettre le nez à la fenêtre. La campagne était noire, mais elle connaissait si bien Pedro Páramo qu'elle a aussitôt reconnu son corps énorme, en équilibre sur le rebord de la fenêtre de la petite Margarita. Ah, ce Don Pedro. Ça lui passera jamais son goût des jeunes servantes. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il aime tellement faire les choses en cachette. S'il m'avait prévenu, j'aurais dit à Margarita que le patron avait besoin d'elle pour la nuit. Et il n'aurait même pas eu à se donner la peine de quitter son lit. Elle a refermé la fenêtre en entendant mugir les taureaux. Elle s'est jetée sur le matelas en se couvrant jusqu'aux oreilles, puis elle a songé à ce qui arrivait plus que probablement à la petite Margarita. Un peu plus tard, elle a dû enlever sa chemise de nuit parce qu'elle commençait à avoir trop chaud. Des années plus tôt, elle était alors jeune fille. Damiana ! Ouvre la porte, Damiana ! Et pourquoi faire, patron ? Ouvre-moi, Damiana. Je dors déjà, patron. Elle avait entendu Don Pedro s'éloigner dans les longs corridors en frappant le sol du pied comme il le faisait toujours quand il était en colère. La nuit suivante, pour éviter de le contrarier, elle avait laissé la porte entrebâillée et s'était même mise nue pour qu'il n'ait aucune peine à se donner. Mais Pedro Páramo n'était jamais revenu la trouver. Voilà pourquoi maintenant elle était à la tête de toutes les servantes de la Media Luna, parce qu'elle avait su se faire respecter. Maintenant qu'elle était déjà vieille, elle pensait encore à la nuit où le patron lui avait dit « Ouvre-moi la porte, Damiana !» Elle se recoucha, pensant combien la petite Margarita devait être heureuse à cette heure. J'ai appris que tu avais été battue, Damasio. Pourquoi t'es-tu laissé faire? On vous a mal informé, patron. À moi, il m'est rien arrivé. Ma petite troupe est au complet. Je vous amène ici 700 hommes et quelques autres qui nous ont rejoints en route. Ce qui s'est passé, c'est que quelques-uns de nos gars qui en avaient assez de rien faire ont tiré sur un peloton de tondus, mais qui était en fait toute une armée. Des panchovillas, comme on dit. Vous en avez entendu parler? Mais d'où sortent-ils, ceux-là? Ils viennent du nord et ils pillent tout ce qu'ils trouvent. Ils semblent errer à travers tout le pays en tâtant le terrain un peu partout. Ils sont forts. On peut pas leur retirer ça. Et pourquoi ne te mets-tu pas avec eux? Je t'ai dit qu'il faut toujours se ranger du côté du plus fort. Je suis avec eux. Alors pourquoi viens-tu me voir? On a besoin d'argent, patron. On en a assez de manger de la viande. On peut plus l'avoir. Et personne ne veut nous faire crédit. On est venu pour ça, pour nous faire ravitailler et pas être obligé de voler les gens. Si on manœuvrait loin d'ici, ça nous serait égal de faire une petite visite aux voisins. Mais on a tous des parents dans le coin et ça nous ferait mal au cœur de les voler. Bref, c'est de l'argent qu'il nous faut pour acheter au moins une grosse galette de maïs bien épicée. On en a assez d'orger de la viande. Dis-moi, Damasio, tu veux faire l'exigeant avec moi à présent? Pas du tout, patron. Je plaide pour mes gars. Moi, ça m'est égal. C'est bien de t'occuper de tes hommes. Mais va soutirer ce qu'il te faut à quelqu'un d'autre. Moi, je t'ai déjà donné. Contente-toi de ça. Ce que je vais te dire n'est pas un conseil. Loin de là. Mais tu n'as jamais eu l'idée d'attaquer Cantla? Pourquoi crois-tu donc que tu fais la révolution? Si tu crois que c'est pour mendier, t'es complètement dépassé. Dans ce cas, t'aurais mieux fait d'aller garder les poules avec ta femme. Jette-toi sur un village. Tu risques ta peau. Pourquoi diable les autres n'y mettraient-ils pas un peu du leur aussi? Raconte là, sa grouille de riche. Tends-les un peu. Tu te prends pour leur nourrice. Tu crois que t'es là pour veiller sur leurs intérêts? Non, Damasio. Fais-leur voir que tu n'es pas là pour t'amuser ni pour faire de l'esbrouf. Secoue-les un bon coup et tu verras si tu n'en sors pas les poches pleines. On dira ce qu'on voudra, patron. De vous, on tire toujours quelque chose d'utile. Alors profites-en. Pedro Páramo a regardé les hommes s'en aller. Il a senti défiler devant lui les chevaux au trot, obscurs, confondus avec la nuit, la sueur et la poussière, le tremblement de la terre. Quand il a vu les topins luisants entremêler de nouveau leur lumière, il s'est avisé que tous les hommes étaient partis. Il ne restait que lui, seul, pareil à un tronc dur qui commence à s'effriter de l'intérieur. Il a pensé à Susana San Juan. Il a pensé à la petite servante avec laquelle il venait de coucher il y avait à peine un moment, à ce petit corps saisi d'effroi et tremblant qui paraissait vouloir rejeter son cœur par la bouche. « Tu es un rien de chair », lui avait-il dit. Et il l'avait étreinte en essayant de changer cette chair en celle de Susana San Juan. Une femme qui n'était pas de ce monde. N'est-ce pas que la nuit est pleine de péchés, Rustina? Oui, Susana. N'est-ce pas que c'est vrai? Ça doit l'être, Susana. Et que crois-tu donc qu'elle a vu, Rustina, sinon un péché? N'entends-tu pas? N'entends-tu pas comme la terre grince? Non, Susana, je ne peux rien entendre de tel. Mon destin n'est pas aussi grand que le tien. Tu en serais effrayé. Je te le dis, tu serais effrayé d'entendre ce que j'entends. Combien d'oiseaux as-tu tué dans ta vie, Rustina? Beaucoup, Susana. Et ça t'a attristé? Oui, Susana. Alors qu'attends-tu pour mourir? La mort, Susana. Si ce n'est que ça, elle viendra. Ne t'inquiète pas. Tu crois à l'enfer, Rustina? Oui, Susana. Et au ciel aussi. Moi, je ne crois qu'à l'enfer. Comment va madame? Mal. Elle se plaint? Non, monsieur. Elle ne se plaint de rien. Mais on dit que les morts ne se plaignent pas. Madame est perdue pour tout le monde. Le père Renteria est-il venu la voir? Il est venu la nuit dernière et l'a confessé. Aujourd'hui, elle aurait dû communier. Mais elle ne doit pas être en état de grâce parce que le père Renteria ne lui a pas donné la communion. Il a dit qu'il le ferait de bonne heure. Et voyez, le soleil est déjà là et il n'est pas venu. Elle ne doit pas être en état de grâce. Auprès de qui? De Dieu, monsieur. Ne dis pas de bêtises, Rustina. Comme vous voudrez, monsieur. Pedro Páramo a ouvert la porte et s'est effacé pour laisser un rayon de soleil tomber sur Susana San Juan. Il a vu ses paupières serrées comme quand on éprouve une profonde douleur. Ses lèvres mouillées et entr'ouvertes. Et ses mains qui parcouraient le drap et inconscientes dévoilaient son corps nu que des convulsions commençaient à tordre. Il a franchi le peu d'espace qui le séparait du lit et a couvert sa nudité. Elle a continué de se débattre comme un ver avec des spasmes de plus en plus violents. Susana. Susana. Je viens te donner la communion, ma fille. Le père Renteria a attendu que Pedro Páramo la redresse et l'adosse à la tête de lit. Susana San Juan, à moitié endormie, a tiré la langue et a avalé l'hostie. Puis elle a dit... Nous avons passé un très bon moment ensemble, Florencio. Ensuite, elle s'est replongée dans la sépulture de ses draps. Vous voyez cette fenêtre, Doña Fausta, là, à la Media Luna, où la lumière reste toujours allumée? Non, Angeles, je ne vois aucune fenêtre. C'est qu'elle est plongée dans le noir maintenant. Il n'est pas arrivé un malheur à la Media Luna, j'espère. Il y a plus de 3 ans que cette fenêtre est éclairée, nuit après nuit. Ceux qui sont allés là-bas disent que c'est la chambre où vit la femme de Pedro Páramo, une pauvre folle qui a peur de l'obscurité. Et regardez, on vient juste d'éteindre la lumière. Mon Dieu, pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Elle est peut-être morte. Oh. Elle était très malade. On dit qu'elle ne reconnaissait plus son monde et il paraît qu'elle parlait seule. Il a été bien puni, Pedro Páramo, d'avoir épousé cette femme. Pauvre Don Páramo. Non, Angeles, il le mérite. Et ça, et le reste. Regardez, la fenêtre reste obscure. Laissez cette fenêtre tranquille et allons dormir. Il est trop tard pour que deux vieilles comme nous traînent encore dans les rues. Dites, Doña Fausta. Oui. Venez voir. Vous ne pensez pas que ce monsieur qui marche là pourrait bien être le docteur Valencia? Vous direz? Encore que j'ai de si mauvais yeux que je ne pourrais pas le reconnaître. Rappelez-vous, il porte toujours un pantalon blanc et une veste noire. Je vous parie qu'il se passe quelque chose de terrible à la Media Luna. Il faut toujours que vous imaginiez le pire, Doña Angeles. Vous feriez mieux de suivre mon exemple et de tout remettre dans les mains de la divine Providence. Dites un Ave Maria à la Vierge, et je suis sûre qu'il ne se passera rien d'ici à demain. Et puis que la volonté de Dieu soit faite. Après tout, elle ne devait pas être si heureuse que ça dans cette vie. Oh, croyez-moi, Fausta. Vous me rendez toujours la paix de l'âme. Je vais m'endormir en emportant ces pensées dans mon sommeil. On dit que celles que l'on a en rêve vont tout droit au ciel. Espérons que les miennes monteront aussi haut. Allez, à demain. À demain, Angeles. À demain. À demain. C'était Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov, d'après la traduction de Gabriel Yacouli. 9e épisode. Avec Jacques Bonafé, le narrateur, Francine Berger, Justina, Eric Caravaca, le père Renteria, Rosine Favé, Angeles, Christine Gagneux, Damiana Cisneros, Laure Killing, la femme de Gerardo, Catherine Matelli, Fausta, Mohamed Rouabi, Gerardo, Denis Lavant, Pedro Páramo, Philippe Lofredo, Les Bois, Johanna Nizar, Susana San Juan, Emiliano Suarez, Le Messager, Pauline Ziadé, Damiana Jeune. Bruitage, Sophie Bissant, musique originale, Lyon Milo, violon, Sébastien Surel, guitare, Ardent Dumont, viol de gambe, Philippe Foulon, percussion, Florent Jodelet, flûte, François Dodin Claveau. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Émilie Couette, Cécile Lafont, Laure Egorov. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, est publié aux éditions Gallimard.